Josué chapitre 15. Ce fut ici le sort de la tribu des enfants de Juda selon leur famille. Aux confins d'Édom, le désert de Tsin vers le midi, fut le dernier bout de leur pays vers le midi. Tellement que leur frontière du côté du midi, fut le dernier bout de la mer salée, depuis le bras qui regarde vers le midi. Et elle devait sortir vers le midi de la montée d'Akrabim, et passer à Tsin, et, montant du midi de Kadabarné passer à Etzron, puis montant vers Adar se tourner vers Karka, puis passant vers Atzmon, sortir au torrent d'Égypte, tellement que les extrémités de cette frontière devaient se rendre à la mer. Ce sera là, dit Josué, votre frontière du côté du midi. Et la frontière vers l'Orient sera la mer salée jusqu'au bout du Jourdain, et la frontière du côté du septentrion sera depuis le bras de la mer, qui est au bout du Jourdain. Et cette frontière montera jusqu'à Beth-Ogla, et passera du côté du septentrion de Beth-Araba, et cette frontière montera jusqu'à la pierre de Bohan, fils de Ruban. Puis cette frontière montera vers Débir, depuis la vallée d'Akor, même vers le septentrion, regardant Gilgal, laquelle est vis-à-vis de la montée des Adumim, qui est au midi du torrent, puis cette frontière passera vers les eaux d'Ensemet, et ses extrémités se rendront à Orgel. Puis cette frontière montera par la vallée du fils d'Hinnom, jusqu'au côté de Jébusi vers le midi, qui est Jérusalem, puis cette frontière montera jusqu'au sommet de la montagne, qui est vis-à-vis de la vallée d'Hinnom, vers l'occident, et qui est au bout de la vallée des Réphaïm, vers le septentrion. Et cette frontière s'alignera depuis le sommet de la montagne jusqu'à la fontaine des eaux de Nephtoa, et sortira vers les villes de la montagne d'Ephron, puis cette frontière s'alignera à Baala, qui est Kirjat-Jéarim. Et cette frontière se tournera depuis Baala vers l'occident, jusqu'à la montagne de Seir, puis elle passera jusqu'au côté de la montagne de Jarim vers le septentrion, qui est Kézalon, puis descendant à Betsum, elle passera à Tana. Et cette frontière sortira jusqu'au côté d'Ekron, vers le septentrion, et cette frontière s'alignera vers Sicron, puis ayant passé la montagne de Baala, elle sortira à Jabnéel, tellement que les extrémités de cette frontière se rendront à la mer. Or la frontière du côté de l'Occident sera ce qui est vers la Grande Mer, et ses limites. Ce furent les frontières des enfants de Juda de tous les côtés, selon leur famille. Au reste on avait donné à Caleb, fils de Jephunné, une portion au milieu des enfants de Juda, suivant le commandement de l'Éternel fait à Josué, savoir Kirjat Arba, or Arba était père de Anna, et Kirjat Arba c'est Hébron. Et Caleb déposséda de l'allée trois fils de Anna, savoir Sezaï, Aïman, et Talmaï, enfants de Anna. Et de là il monta vers les habitants de Débir, dont le nom était auparavant Kirjat Sefé. Et Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefé, et la prendra. Et Othniel fils de Kenaz, frère de Caleb, la prit, et Caleb lui donna sa fille Aksa pour femme. Et il arriva que comme il s'en allait, elle incita à demander à son père un champ, puis elle descendit impétueusement de dessus son âne, et Caleb lui dit, qu'as-tu? Et elle répondit, donne-moi un présent, puisque tu m'as donné une terre sèche, donne-moi aussi des sources d'eau. Et il lui donna les fontaines de dessus et les fontaines de dessous. C'est ici l'héritage de la tribu des enfants de Juda selon leur famille. Les villes de l'extrémité de la tribu des enfants de Juda près des limites d'Édom, tirant vers le midi, furent Kaptseel, Edé, Jagur, Kina, Dimona, Adada, Kedé, Hatsor, Jitnan, Zif, Téléem, Béalot, Hatsor, Adata, Kerijot, Etzron qui est Hatsor, Amam, Sema, Molana, Hatsargada, Esmon, Bet-Pelé, Hatsarsuel, Beersheba, Bizjotoja, Baala, Ijim. Etsem, Eltola, Kezil, Orma, Tsikla, Madmana, Sansana, Lebaot, Silim, Agin et Rimon, en tout 29 villes, et leurs villages. Dans la plaine, Estéol, Tsora, Asna, Zenora, Anganim, Tapua, Enam, Jarmut, Adulam, Soko, Azeka, Saharajim, Aditajim, Gedera et Gederotagim, 14 villes, et leurs villages. Sénan, Edesa, Migdalga, Dilan, Mitzpé, Joktel, Laki, Botskat, Eglon, Kebon, Lama, Kitli, Gederot, Bedaon, Naama, et Makeda, 16 villes, et leurs villages. Libna, Ete, Azan, Jifta, Asna, Netsib, Kila, Axib et Marza, 9 villes, et leurs villages. Écron, et les villes de son ressort, et ses villages. Depuis Écron, tirant même vers la mer, toutes celles qui sont joignant le ressort d'Asdo, et leurs villages. Asdo, les villes de son ressort, et ses villages, Gaza, les villes de son ressort, et ses villages, jusqu'au torrent d'Égypte, et la grande mer, et ses limites. Et dans la montagne, Samir, Jatir, Soko, Dana, Kirjatsana, Kiedébir, Anab, Estomo, Anim, Gozan, Olon, et Gilo, 11 villes et leurs villages. Arab, Duma, Ezan, Janom, Bettapua, Afeka, Inta, Kirjatarba, Kiethébron, Etzior, 9 villes, et leurs villages. Maon, Carmel, Zif, Juta, Jisrel, Jobdam, Zenoa, Cajun, Giba, Etana, 10 villes, et leurs villages. Alul, Betsur, Gedor, Marat, Betanot, et El Tokon, 6 villes, et leurs villages. Kirjat Baal, qui est Kirjat Jearim, et Rabba, 2 villes, et leurs villages. Au désert, Bet Araba, Midin, Sekaka, Nibsan, et la ville du sel, et Engedi, 6 villes et leurs villages. Au reste, les enfants de Juda ne purent point déposséder les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, c'est pourquoi le Jébusien a demeuré avec les enfants de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour.